Aussi vrai qu'ils s'attirent dans la nuit comme des aimants, au matin les corps des amants peuvent se quitter sans soupir. Quand le jour accouche enfin d'un soleil morné, on voit la brume se lever pour emporter son couffin. Mais je n'oublierai pas la chaleur de ta bouche et la moiteur de ta souche qui s'écoulait sous mes doigts. Non, je n'oublierai pas. Mon humeur est en berne, je sens comme des parpaings tapisser mes intestins et alourdir mes cernes. On dirait une souffrance et pourtant je me sens ivre, pourtant je me sens vivre. Quelle douce dissonance. Non, je n'oublierai pas la rondeur de tes seins et la cambrure de tes reins. C'est cliché, mais c'est comme ça. Je n'oublierai pas. Non, je n'oublierai pas. Je crois qu'en définitive, bien qu'elle y soit pour quelque chose, ce n'est pas la nature qui impose nos affinités électives. Je t'ai choisi de sang-froid et mon corps chauffé à blanc. N'écoutez pas que son gland quand il bondit sur sa proie. Non, je n'oublierai pas la douceur de tes caresses, la pudeur et la justesse des mots qu'on bannit ici-bas. Thank you. Merci beaucoup.